les sols trempés, couverts de rosée. Les bottes marchaient, les poules insurées. Radès qui avance, l'œil sur l'horizon. Danse, silence, danse. Chaque bruit est un nom. Les murs suintent, l'effort et le bois mouillé. Le feu fume encore, vestige d'une veillée. Les visages tendus par les jours sans fin. Chaque clou planté repousse le destin. Une torche dans la brume, une voix dans le vent. La base respire, mais l'ennemi n'attend. Les femmes chantent bas pour calmer la nuit. Sous la pluie fine, leurs prières sont aussi. Radès qui veille, main sur l'arme. Le chant apaise mais garde l'alarme. L'unité s'écrit dans le souffle court. Car dans russe l'amour prend des détours. Terre humide, feu sacré. Nos voix s'élèvent, prêtes à lutter. Riders qu'il guide sous les arbres mouillés. Chaque instant forge notre volonté. Forêt profonde, refuge et piège. Notre foi brûle au bord du siège. Les buissons tremblent, un tir éclate. Le chaos surgit, la base éclate. Mais nos cris deviennent une mélodie. Un chant de guerre, une énergie. Les ennemis tombent surpris par la foi. Le terrain est rude mais c'est chez moi. On reconstruit au milieu des cendres. Chaque perte devient souvenir tendre. La solidarité se tisse en silence. Un regard suffit, une seule cadence. On ne fuit pas, on tient la ligne. Même si la brume parfois nous malmène. Un souffle monte, le sol vibre. Le cœur bat fort, la main. Les pas lourds, on repart affûté pour le jour. À Radès qu'il mène, le regard clair. Un cri traverse la forêt entière. Dans l'écho, nos esprits s'élèvent. Sur cette terre, on reste centré. Le silence revient comme un baiser. Mais sous les feuilles tout peut exploser. Nos âmes se reposent, pas nos pensées. On sait que demain tout peut recommencer. Les feuilles brisent, la tension glisse. Mais la chaleur reste douce, complice. Radès qu'il sourit près. résonne. La team s'élève, un feu qui tonne. Plus rien n'arrête la marche lancée. Sous les arbres, la guerre est sacrée. Chaque visage, chaque nom écrit l'histoire dans le bastion. Cœur humide, feu sacré, riders qui guide et cœurs liés. Dans Rus, nos voix sculptent le ciel. Chaque victoire est un rituel, uni par la boule sans la foi. C'est notre monde, notre loi. Le soleil monte, la brume s'efface, mais la mission brûle dans chaque espace. Riders qu'il s'en va, droit et fier. Car dans la forêt, la guerre est claire.